We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Bienvenue aux amateurs de Mac Bonsoir, ce podcast qui est une ligne ouverte où les gens peuvent venir poser leurs questions. Et nous, on tente, en fait, avec brio quand même. On est bon. Oui, je pense qu'on va commencer à se péter les bretelles un peu. Parce que, honnêtement, les questions qu'on nous a données à date, c'était pas du... Il fallait pas creuser beaucoup, mais on a quand même réussi à répondre à pas mal de questions. Il va falloir, à la fin de l'année, essayer de faire une espèce de décompte du nombre de questions. Pas cette année, mais mettons une année complète, là, puis ouais. Arriver à la fin de l'année et dire « Cette année, nous avons répondu à, 10 questions par show, 52 shows, 520 questions, ou quelque chose comme ça. » Fait que, un spécial à 1000 questions, ouais. Genre 50 questions. Faire tirer un iPad 2 là, sur le compte de Lady Gaga. écoutez le podcast Mac Québec pour la comprendre, si vous n'avez pas suivi. Je vous souhaite la bienvenue. J'ai avec moi trois animateurs, deux qu'on voit et un qui est malheureusement invisible. Donc, dans l'ombre. Faudrait m'inviter, peut-être. Ah, c'est ça l'affaire. T'as pas Ah, t'es de retour. Tu avais un petit problème au niveau de ta webcam, je pense, Bernard. Ouais, puis je sais pas trop comment. Pourquoi, mais là, j'ai réussi avec eyeglasses. Voilà. Puis on s'entend en double. Non, c'est correct. Ah, okay. On s'entend en double? Non, c'est bon. Non, c'est correct. On s'entend en double? OK. C'est correct, ça? Oui. OK. Donc, on va commencer parce que, on m'a dit, en fait, que quand je donnais l'explication sur où est-ce que vous pouvez aller poser vos questions, je parlais de l'ampoule qui était au-dessus de la fenêtre de chat. Et il semble que ce soit pas là. Pour poser vos questions, c'est juste à côté du bouton « Send ». Oui. Donc, c'est là que vous pouvez aller pour poser votre question. Question textuelle qu'on va mettre en ligne et que vous allez pouvoir, lire. Ou s'il y a un ténébreux qui veut balaver le froid et qui est game de se mettre sur sa caméra, on pourrait l'inviter en vidéo à venir nous rejoindre. On a juste une personne à date. Oui, qui a été game de venir en vidéo. Ben, en fait, les premières personnes dans le pilote des amateurs de Mac Bonsoir, qui était un épisode sur la mort de Steve Jobs. Donc, on va commencer avec les questions, qui est l'essence même. Pardon. C'est le temps des fêtes. On est en train de manger pendant le podcast. C'est très mal poli de parler de la bouche ouverte. Donc, voici la première question pour cette semaine. Maya Leclerc et Bazou, sur Internet, on a décidé qu'on prenait des noms différents. Puis, c'est pas tout le monde qui a du goût pour les noms, là. Qui nous demande, en fait, sur Mac Québec Entraide et sur le forum de Mac Québec, est-ce que quelqu'un trouve vraiment utile le fait que Lyon relance toujours les derniers fichiers ouverts lorsque on relance un logiciel? Donc, c'est la fonction Restore de Lyon qui, effectivement, peut être assez fatigant pour certaines personnes. Pour d'autres, en fait, puis la fonctionnalité a été mise là pour l'utilisateur moyen. Qui peut peut-être ne pas penser à sauvegarder son document. Sur document aussi, il y a un problème des fois. L'ordinateur, il faut qu'il fasse un restart. La page web de Safari va se rouvrir. Un peu comme mon grand-père, il connaît pas beaucoup ça. Il est sur Windows, mais si jamais il était sur Mac, ce serait une fonctionnalité parfaite pour lui. S'il y avait Solitaire sur Mac, pour moi, ça rouvrait la game de Solitaire pour qu'il puisse jouer. Je pense que c'est un autre fait, là, mais ouais, c'est ça. Le démineur, let's go. C'est tant qu'à faire. Donc, tout ça existe. Moi, je l'ai. Solitaire. MC Solitaire, j'ai ça, moi. Puis, est-ce qu'il est compatible avec la fonctionnalité Restore? Restore? Oui, mais c'est une fonctionnalité dans Lyon qui fait que quand tu fermes une application et que tu la rouvres après, ben, en fait, tu reviens avec la façon dont tu l'as laissé, dont tu l'as fermé. Fait que, mettons, dans Page, si tu as fermé l'application avec trois documents ouverts, placés de telle façon, ben quand tu rouvres Page, normalement, tes documents devraient se réouvrir de la même façon, même si tu redémarres l'ordinateur, en fait. Donc, l'ordinateur se souvient de la position des fenêtres, des documents qui étaient ouverts, tout ça, il s'en souvient. Puis ça vient avec, la fonctionnalité qui est... comment ça s'appelle? Sauvegarde automatique. Mm-hmm. Donc, Moi, ce qu'il se souvient tantôt, quand j'ai planté, c'est souvenu que j'étais planté, fait qu'il m'a replanté. Il m'a remis dans le même état. Firefox a planté, il m'a remis dans le même état. Donc, il a réessayé de se reconnecter, puis c'est une boucle sans fin. Bon. Bref. Ben, en fait, voici les différentes options qui s'offrent à toi dans cette situation-là. La première chose, en fait, qui est peut-être possible... Maya, ce qu'elle nous rapporte, c'est qu'il peut y avoir des problématiques pour la confidentialité des documents ou l'altération d'un document par erreur. Elle a tout à fait raison pour ce qui est de la confidentialité des documents, dans le sens où s'il n'y a pas de mot de passe sur ton ordinateur, que tu le fermes, tu te le fais voler, quelqu'un ouvre tes applications, là, tu te retrouves avec tous tes fichiers Page qui s'ouvrent et... il y a eu un changement dans le son, là. Ah oui? Est-ce qu'on m'entend toujours en double ou en triple? Non. Non. On en attend un background, oui. Moi, je l'entends plus. Ben moi, je viens de m'entendre, puis je t'entends, Alex, ça va. OK, je viens d'enlever en dessous de mon image, là, son. Là. Okay. Donc, elle a tout à fait raison pour la confidentialité des documents, comme je le disais. Si, par exemple, on se volait son ordinateur et qu'on a laissé des documents ouverts dans Page, par exemple, qui bénéficient grandement de cette fonctionnalité-là. Et non Office, encore une fois. Ben oui, c'est sûr. Ils ont juste eu 6 mois pour... eux autres, puis Adobe, là. Des vrais clowns, là, tu sais. Tiens, c'est comme... ça fait combien de temps, Lyon, qui est sorti, là, depuis octobre, je pense? Ouais. Imagine. Fait que c'est toujours pas mis à jour. Mais bref, dans Page, cette fonctionnalité-là est implantée. Donc, ça peut causer des problématiques pour la confidentialité des documents. Mais en tant que tel, quand on est dans son ordinateur, quand on réussit à rentrer chez soi, c'est normal qu'on ait des facilités. Là. Tu sais, l'analogie que je pourrais faire, c'est si tu es rentré chez soi, si tu es rentré chez vous, c'est normal que ton système de domotique qui ouvre les fenêtres, qui ouvre ton système de son, qui met à la bonne température, puisse fonctionner pour toi. Donc, Restore, en tant que tel, est une fonctionnalité qui va faciliter faciliter l'utilisation de ton ordinateur au niveau de la productivité, au niveau du streamlining de ton utilisation. Puis, si c'est la confidentialité des documents qui pose problème, à ce moment-là, ça veut dire que tu n'as peut-être pas fait l'ABC de sécurité, c'est-à-dire de peut-être mettre un mot de passe au niveau de l'ouverture de ton ordinateur, t'assurer que quand tu ouvres ton ordinateur, le mot de passe est demandé. Maintenant, pour ce qui est de l'altération d'un document par erreur, ben il y a une autre fonctionnalité qui vient dans Lyon, qui est le versionnage. Je ne sais pas si c'est un mot qui se dit en français, là, mais en anglais... En anglais, ça serait le versioning. Ah, c'est-à-dire, donc, le versionnage, c'est à chaque altération d'un document, il en fait, si on veut, un snapshot, et il est possible d'y retourner, de retourner dans le temps. Ça, c'est hot. Donc, ça existe en fait. Si, par exemple, vous utilisez Dropbox pour partager des documents, ben, si jamais, à force d'améliorer un document, là, on enlève toujours certaines parties. Mais si on enlève, par exemple, une partie qui est importante, on peut retourner dans le passé. Ça, c'est dans Dropbox, on peut le faire. Et maintenant, dans le système Lyon, on peut le faire. Donc, l'altération d'un document par erreur, c'est pas une problématique en tant que telle. Dans confidentialité des documents, il y a une autre chose aussi. Là. Moi, j'ai un client qui avait une problématique, c'est qu'en ouvrant Safari avec la fonctionnalité Restore, ça démontre la dernière page web sur laquelle tu as été. Donc, ça ne montre pas ta home page, mettons que tu as mis Cyberpresse ou une autre page. Ça montre vraiment la dernière page sur laquelle tu as été. Donc, lui, c'est fait comme... Ben, quand il a ouvert Safari, le dernier site sur lequel il est allé, c'était pas nécessairement un site qu'il voulait que tout le monde voit. Tu sais. Ah! Bon, ça posait une problématique. Fait que, surtout si sa femme est à côté. C'est ça, effectivement. Ouvrez jamais votre ordinateur avec votre femme à côté. Hey, je voulais te montrer une photo que j'ai prise avec ta mère. Non, c'était pas ta mère. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. La première, c'est de désactiver ce système-là de restauration. Et la façon de le désactiver, ça serait d'aller dans les préférences système, ensuite d'aller dans l'onglet général, qui est le premier icône en haut à gauche, là, quand vous ouvrez ça. Et dans la liste qu'on va vous donner, c'est une traduction que j'ai faite parce que moi, c'est en anglais. C'est de décocher. C'est un petit bouton qui s'appelle Restaurer les fenêtres à l'ouverture, à la fermeture des fenêtres. Mmh. Okay. Les applications. Il y a un décompte qui commence aussi. Un 59, ben une minute. Là. Puis pendant ce temps-là, ben soit qu'il va partir automatiquement pour se fermer, si tu n'as pas cliqué pour redémarrage, tout ça. Ou avec le cochage. Oui, ouais, mais voilà. ça, c'est dans les préférences système, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne te le demandera plus. Okay, tu parlais de tes préférences système. OK, ouais. Excuse-moi. C'est ce que tu parlais quand on cliquait. Ce que tu mentionnes, c'est quand tu dis à l'ordinateur de se fermer, il te demande, il y a un bouton radio que tu peux cocher ou décocher. Et effectivement, lui, si tu le décoches, au redémarrage de l'ordinateur, il va te redémarrer, ça clean. Okay, je ne savais pas que dans les préférences qu'on pouvait le faire, par exemple. Oui, on peut le désactiver. La problématique avec ça, c'est que ça le fait system-wide, c'est-à-dire que tout le système se retrouve désactivé. Et puis c'est une fonctionnalité qui peut être quand même assez intéressante. Il devrait plus le développer, cette fonctionnalité-là. Tu sais, OK, tu décoches, mais tu peux laisser, mettons, par application que tu veux, tu sais, qui ont la fonctionnalité que tu voudrais que ça garde le restore ou le ben moi j'appelle ça le time machine là. Fait que veux-tu bien me laisser finir mon explication là? Excuse-moi. Je viens, t'inquiète. Attends, je coupe son micro là. la deuxième option qui existe en fait, c'est de désactiver temporairement cette fonctionnalité là. Donc quand vous quittez une application, le raccourci c'est pomme Q. OK? Mais si dans votre formule de raccourci clavier, vous rajoutez Alt, donc commande Alt Q, à ce moment-là, la fenêtre va se fermer et elle ne se souviendra pas des dernières fenêtres ouvertes. Par exemple, là, je le ferai pas parce que je suis dans Safari puis on n'aura plus de son puis rien. Mais juste à titre d'exemple, si vous ouvrez Safari, que vous cliquez en haut sur Safari et que vous tenez la touche Commande. Non, pas Commande. Si vous tenez la touche Alt, vous allez voir que... Voilà, j'ai fait le con et ça s'est fermé. Non, tu es encore là. Tu es encore là. Oui. J'ai fait un autre raccourci. Donc, si vous tenez la touche Alt enfoncée, le pomme Q, qui est le dernier item en bas dans le menu Safari, devient Quit and Close All Windows. Donc, il va fermer toutes les fenêtres et normalement, il ne devrait plus... OK, faites pas pomme Q pendant que vous écoutez comme mon ami Vincent qui vient de se déconnecter de vocals. Ah non, fais pas pomme Q, fais Alt F4 à la place, c'est bien mieux. Ah oui, c'est sûr. C'est hein? Pareil. Oui, ça fait la même affaire. Donc, vous pouvez faire pomme Alt Q pour quitter l'application. Puis à ce moment-là, quand vous allez la restaurer, quand vous allez en fait ouvrir Safari, il devrait revenir avec votre bonne vieille home page, celle que vous avez décidée. La plupart des gens utilisent Google, mais c'est un peu nono alors qu'il y a même un outil de recherche maintenant dans à peu près tous les... tous les navigateurs. Navigateurs. C'est fou, hein, le nombre de personnes qui tapent. Ils ouvrent un navigateur, ils tapent Google, ils tapent l'adresse d'une page où est-ce qu'ils veulent aller dans Google, puis là, ils sélectionnent la page. Au lieu de taper, mettons, Cyberpresse, ils vont taper Google, ils vont chercher Cyberpresse dans Google, puis ils vont se retrouver sur Cyberpresse. C'est comme un peu long. La dernière option qui existe, puis en fait, c'est exactement ce que je me suis dit, puis c'était comme vraiment, cette application-là a été sortie quelques jours après la sortie de Lyon. Ça s'appelle Restore Me Not. Restore-moi pas. Donc, Restore Me Not. Et c'est une application Pref Panel. Donc, qui s'en va dans les préférences système et qui permet de désactiver l'option de restauration de fenêtre par application. Donc, tu peux lui dire, mettons, Safari, je ne veux pas que tu utilises le Restore. Telle autre application, je ne veux pas que tu utilises le Restore, mais celle-là, tu ne la mets donc pas. Là, mais, donc, tu peux lui dire les applications dans lesquelles tu ne veux pas qu'il utilise ça. Et comme c'est un préférence panel, mais ça reste pas dans les jambes, ça mange pas de pain, c'est bien fait. T'es revenu? Donc, voilà, Apple n'aurait pas besoin à proprement parler de le développer. Parce que... Oups, Bernard n'est plus là. Oh, Bernard vient de revenir. Oui, ils sont tous revenus. Là. OK, puis t'as invité... Occupe-toi de la caméra, je te laisse aller. C'est ça que je vais faire. Et voilà. Excellent. Bon, ma bonne caméra est revenue. Ah, bon, elle est repartie. Ah, on voyait ton Manicam. Please restart Manicam. Please restart Manicam. Mais ben là, j'avais plus aucune source vidéo de rien. Fait que là, je suis quitté, j'ai revenu. Mais j'avais toujours le son. Tantôt, c'était l'inverse. J'avais plus de son, puis j'avais du vidéo. C'est le vidéo, le problème. Ben moi, c'est complètement mon erreur. Je me suis dit... Pomme cul. Pomme cul. Là, j'ai la couette à la Tintin, là. On dirait une Tintin, là. Juste pas en 3D. Ouais, c'est ça. Pour faire une parenthèse, est-ce que vous avez vu Tintin? Non, j'ai pas été encore. J'ai pas vu. C'est malade. Ah ouais? C'est vraiment bon. Je suis allé voir ça cette semaine. On s'est posé la question pendant quelques heures, ma blonde puis moi, est-ce qu'on y va avec Fiston, qui a 2 ans? Et puis, on s'y appelait... Ah non, on n'est pas allé avec lui. Ah non. Ben, on se rappelait, en fait, Tintin, ça a été écrit dans les années 50, puis il y a quand même pas mal de fusils. Okay. Puis quand tu écoutes le preview, tu t'en rends compte. Il y a de la mitraillette, il y a de l'explosion. Mm. Puis, bon, tu sais, c'est cute au début, mais à partir du moment où l'intrigue embarque, écoute, c'est... Ça brasse? Ça brasse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. L'animation est complètement cinglée. Je sais pas s'il y en a qui avaient déjà vu le film Final Fantasy de Spirit Within. Oui, ça c'était écœurant comme graphique. Là. Ben, au niveau des graphiques, c'était vraiment un saut. Là. Ils avaient travaillé là-dessus pendant je sais pas combien de temps. C'était un film de marde au niveau du scénario. C'était pourri. Ouais. Personne qui pouvait comprendre ça. Là. C'était comme... En tout cas, c'était vraiment bizarre comme film. Mais au niveau des textures, au niveau de... C'était vraiment incroyable. Puis un des gros défauts, by the way, de ce film-là, c'est les visages étaient très, très pognés. Il n'y avait pas... c'était pas mou. Puis il y a deux personnages, à un moment donné, qui s'embrassent. Tu as l'impression que Barbie et Ken s'embrassent. Ça, c'est une erreur de les faire s'embrasser. Mais sinon, tout le reste, la peau, les défauts qu'il peut y avoir dans la peau humaine, tout y était dedans. Puis... Quand tu regardais le film, tu sentais vraiment qu'il venait d'atteindre une coche. Quand tu regardes Tintin, tu te rends vraiment compte qu'ils viennent d'atteindre un nouveau niveau. Là. C'est vraiment dans les meilleures animations que j'ai vues à l'ordinateur. La qualité des tissus pour le chandail du capitaine Haddock, là, qui est une espèce de vieux chandail de marin en laine un peu molletonné, là, qui a le feeling vieux. Mais tu l'as dans le film, là, puis il a l'air vraiment confortable, puis tu voudrais mettre ce chandail-là si t'étais pogné sur un bateau contre une Perfect Storm ou quelque chose, là. Il est vraiment très chouette, puis t'as le feeling bande dessinée aussi, là, tu sais, le truc de... Tu regardes, tu fais, ben voyons donc, là, tu sais, ils sont sur un bateau à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens, puis il y a une poursuite dans la ville. T'envoies une petite séquence dans le preview, là, où est-ce que sa moto se fait complètement déchiqueter, puis il se retrouve avec le guidon de sa moto qui sert de poulie pour suivre un câble, puis t'es comme, ben voyons donc. Mais ça passe, c'est correct, c'est une BD. Fait que je voulais juste le mentionner. Mais... OGF? On n'est pas à Flash, là, on va faire un podcast. Ouais. Rien, c'est fait avec un ordinateur. Ça se peut que ça a été fait avec Apple. Ouais, j'espère pas avec Final Cut 10, par exemple. Ouais, mais en fait, je sais pas si vous avez vu l'espèce de mission qui présentait ou un reportage qui présentait le tout doux là, de la façon qu'ils ont fait Tintin. Donc, c'est avec des vraies personnes, avec des capteurs, avec bon, des green screen. Mais c'est pas de l'animation. C'est de l'animation, mais... Que ce soit fluide, j'imagine. C'est fluide, puis c'est des vrais acteurs qui ont fait les personnages. Ça a passé à la TV? Oui, ça a passé à la télé récemment. Ah, pas tout ça. Faudrait que je retrouve où j'ai vu ça. Si tu le cherches sur Google, là, c'est plus facile en anglais, fait que c'est Tintin. Tintin, ouais, c'est ça, ouais. Ça s'écrit pareil. Ben, je sais pas, hein? Tintin. Ouais. Mais moi, je voulais aller voir Tornade en 3D au cinéma IMAX. Puis pendant le temps des fêtes, ils ont mis un break au film pour des petits films pour enfants. Ben, je suis allé le voir. Il était. Moi, je suis concentré. Il était. Il y a deux ans, je crois, parce qu'il n'est pas sorti maintenant. Ça fait quand même un certain temps, il me semble, les Tornades. Puis je suis allé le voir à IMAX à Gatineau. Mm-hmm. Puis il y avait quelqu'un avant, une heure avant, qui faisait une présentation sur les tornades, puis sur les. C'était vraiment intéressant, là. Il parlait anglais, mais vraiment, sur ce que j'avais compris, là, c'était très intéressant. D'après ce que j'ai vu, c'est un film sur les. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton enfant, là, ça s'écrit pareil. Je pensais pas que quelqu'un allait embarquer, là. Ben là, je sais pas, là, ça direct dedans. Mais non, mais je dis, ça s'écrit pareil. Ça. C'est un constat, c'est pas pour dire à tout le monde. Excusez. Tu mettras un bruit de train, je viens de sacrer. Ah, ça va être juste ça. Il va avoir du montage. Oui, certain. Non, mais le film dont tu parles, des tornades, je pense que c'est un peu le film avec Bill Paxton puis Ellen Hunt. Je sais, mais le type de malade mental avec des véhicules fabriqués dans leur cour, super lourd, puis ça avait l'air de la même chose. Le gars, il roulait là, dans cette espèce de... Je pense qu'il y a un secteur aux États-Unis là, qui appelle... C'est ce qu'ils disent dans le preview, là, il y a un secteur qui appelle ça le corridor des tornades, tout le kit. Puis le gars, il se promène là-dedans pour s'approcher puis aller les filmer de près, puis tout le kit. Puis son véhicule, c'est une espèce de Ford F-150, mais ça ressemble à un tank fabriqué par un consanguin, là, comme avec des plaques de métal vraiment bizarres. Ouais. Des typiques qui rentrent dans terre, puis ça, ouais. Ouais. C'est beaucoup en Oklahoma, les tornades. Mais effectivement, il y a un corridor là, aux États-Unis là, qui sont assez frappés par ça. Mais oui, c'est des chasseurs de tornades. Là, mais je pense que c'est un petit peu plus scientifique, mais c'est vraiment des malades. Là. Ils courent après. Je l'avais essayé avec le dôme, là, vraiment. Puis normalement, ils ne l'utilisent pas souvent à Gatineau. Puis, je l'ai essayé avec le dôme, puis c'était malade. Là, vraiment, on voyait la tornade au centre. Là, puis écoute, on s'y croyait. C'était fou. Ah oui, c'était un IMAX, mais... Oui, OK. Ouais, parce que tu sais, il y a comme le gros écran, puis il y a en plus le dôme qu'ils utilisent, que je ne mange jamais. Ouais. Puis ils l'avaient utilisé, puis c'était fou. Là. Wow. Cool. Pour revenir à notre podcast qu'on veut finir un jour parce que ma blonde va vouloir aller se coucher. Donc, Gilles Comtois qui nous demande sur Mac Québec Entraide, est-ce qu'il est possible de démonter un écran d'IMAX soi-même? Il nous dit que l'écran de son IMAX 24 pouces est sale de l'intérieur et il aimerait pouvoir le nettoyer. Il ajoute, et c'est une précision assez importante, que son IMAX a 4 ans. Donc, c'est un iMac qui est probablement Intel de première ou deuxième génération. C'est certainement pas un modèle aluminium. Donc, moi, je voulais rajouter, en fait, au... Oui, souhaite bonne chance. Oui, d'abord. en fait, sur le Mac-Québec Entraide, il y a des gens qui ont proposé leur solution. Et la solution, elle est bonne pour probablement les derniers iMac. C'est-à-dire que les iMac aluminium, l'écran, c'est un écran qui est aimanté à l'appareil. C'est-à-dire que la fenêtre qui est en avant, pour pouvoir démonter l'appareil là, en grande partie, il faut d'abord enlever cette espèce de grande fenêtre-là. Puis d'après moi, vous n'êtes pas capable d'en faire fabriquer partout. Là. Donc ça, c'est normalement, quand c'est fait par un technicien à Apple, c'est fait avec des espèces de ventouses que Apple vous vend. Je pense une cinquantaine ou une soixantaine de dollars, les ventouses. Le truc qui était proposé, c'était de le faire vraiment à la façon ghetto, avec des suces de GPS. Donc, avec probablement deux suces assez grandes, on est capable de tirer sur l'écran puis l'enlever. La problématique, c'est que dès que vous allez enlever ça, à cause de la polarisation du verre, il est fort probable qu'il y ait un paquet de poussière qui vont aller se loger dans le... Sur, comment ça s'appelle? Sur l'écran. Sur l'écran, en tant que tel. Puis quand vous allez le replacer, bien là... ça va être deux fois pire. Oui, c'est ça. Donc, vous allez avoir défait l'écran pour rien. Monsieur Comtois nous stipule que son iMac a 4 ans. C'est donc un iMac blanc. Donc, ça se défait un petit peu différemment. Pour ma part, j'en ai jamais défait parce que ces modèles-là sont assez complexes à défaire, surtout pour aller jouer du côté de l'écran. Et la problématique, en fait, on sait pas, on n'a pas de clichés, on n'a pas de photos pour nous montrer c'est quoi la saleté qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Mais il est fort probable que ce soit un problème avec l'écran en tant que tel, c'est-à-dire peut-être un coulage au niveau du LCD ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai un iMac en haut et effectivement, dans le haut de l'écran, j'ai comme s'il y avait du liquide qui avait coulé à l'intérieur du iMac. Puis malheureusement, en fait, c'est une problématique de l'ordinateur. L'ouvrir ne changera pas grand-chose. Je pourrais pas le nettoyer à proprement parler. Donc, tout d'abord, en fait, bon, l'ordinateur n'est plus sous garantie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en fait, oui, c'est possible de l'ouvrir, mais c'est quelque chose qui, tu sais... Faut être habile, faut être capable, faut avoir d'abord les tournevis. Et il y a quelqu'un sur le forum sur Mac Québec Entraide, qui n'est pas un forum, sur Mac Québec Entraide, qui disait ben allez voir sur ifixit.com, qui est un excellent site qui va et vous donner les vidéos pour vous montrer comment démonter l'appareil et vous vendre les outils pour pouvoir le démonter. Donc, c'est une bonne idée, mais c'est une moitié de bonne idée dans le sens où il faut vraiment comprendre que démonter l'appareil, si vous n'êtes pas capable de le remonter après, là, vous êtes mal pris. Là, ça veut dire une nouvelle machine. C'est pas l'idéal. Mais c'est pas pour rien qu'Apple font ça dans des jambes fermées, là. Ils font pas ça, ils le font pas devant toi si tu vas le faire réparer au Apple Store. Là. Non, c'est ça. Le service technique à l'arrière est très, très clean. Puis d'ailleurs, il y a des services techniques à Montréal qui se sont fait fermer parce qu'ils n'avaient pas les normes minimum d'Apple en termes de qualité, en termes de salubrité, si ouais. on veut. Là. Voilà. Excuse-moi, t'as-tu parlé du tapis... qui est électrostatique, là, qui permet de mettre l'ordinateur justement, c'est négatif pour pas que la poussière colle sur la vitre. Non, j'ai pas parlé de ça, mais il y a ça. Dans les Apple Store, ils ont des tables avec des espèces de tapis, des gros tapis industriels là, fait exprès pour ça, qui a une espèce de courant dedans qui permet justement que la poussière. Avec le positif, le négatif, pas que ça se colle ensemble, dans le fond. Hein. Okay. La poussière se colle pas sur la vitre. Puis, ils ont des tapis spéciaux, justement, pour ça, dans la plupart des Apple Store. Ouais. Excellent. Donc, si vous n'avez pas un tapis comme ça chez vous, ou si vous avez un tapis, mais qui est, vous savez pas s'il est électrostatique ou pas, moi, je mettrais pas mon écran dessus si j'étais vous. Dans un premier temps. Essayez avec une balloune avant, frottez-le, puis mettez-vous-le sur la tête. S'il tient, fait que c'est pas bon. Passez-le sur le tapis, s'il tient, ouais, voilà. Donc, Donc, c'est ça. Vous pouvez trouver un paquet de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire en utilisant une ventouse GPS, comme je l'ai dit. Mais je recommande pas nécessairement de le faire soi-même parce que vous pourriez rajouter des poussières en arrière. Demande ma patience, dévisser beaucoup de vis. Nous n'avons pas de détails sur la question à propos du type de saleté derrière l'écran. C'est ça. Donc, comme je l'ai dit, le problème, si M. Comtois est en mesure de rajouter sur Mac Québec Entraide des photos des tâches dont il parle, on pourrait peut-être lui dire la nature d'où ça vient ou lui dire si en ouvrant l'appareil on pense qu'il pourrait l'enlever, mais ça reste une opinion et non pas des faits. Voilà. Ben aussi, tant qu'à acheter des outils, il va falloir faire un petit peu de dépenses là, pour s'équiper, là, pour pouvoir démonter l'écran, tout ça. Faites le calcul parce que d'aller dans un magasin ou un centre de service agréé à Apple et faire le travail, c'est peut-être moins cher que commencer à vouloir jouer là-dedans. Là. En termes de main-d'œuvre, probablement. Mais souvent, en fait, si on va dans un Apple Store, ils vont vous dire ben c'est l'écran sur un iMac comme ça, un écran de 24 pouces. La pièce de remplacement est autour de 700 à 800 $ là. Apple s'arrange pour avoir des pièces de remplacement qui donnent le goût de s'acheter une nouvelle machine. Mm-hmm. Mais est-ce que tu peux acheter par quelqu'un, je sais pas, qui a des pièces chez lui ou peu importe, usagées ou neuves que dans un entrepôt, puis apporter ça sur Apple? Je ne sais pas votre expérience à vous. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le type au Apple Store, le technicien au Apple Store ne voudra pas le faire. Mais si tu vas dans un autre centre agréé, un technicien qui n'est pas un Apple Store, lui, tu peux probablement t'arranger avec. Là. Ils vont pouvoir le faire. Moi, tant qu'à ouvrir l'ordinateur, tant qu'à faire, j'irai peut-être upgrader des petits les disques durs ou des trucs comme ça. J'en profiterai, disons. Si on veut garder l'appareil un peu plus longtemps. Bon conseil, augmenter la mémoire, conseiller. Entre autres. Exactement, ou le changer de disque dur. Avoir au moins 4 gigs de mémoire, c'est toujours bien. Là. Avez-vous vu le prix de la mémoire dernièrement? Non, ça a baissé énormément. C'est inversement proportionnel au prix des disques durs. Je pense que j'ai vu 8 gigs de mémoire pour 33$ pour un MacBook de dernière génération, là, de la 1333, je pense, qui va dans les dernières machines. Là. MacBook Pro, mais la 1333, la DDR3. Ouais. DDR3, 1333. J'ai vu ça pour, il me semble, 35$. J'ai vu ça en ligne, mais je pense que c'était peut-être un spécial du Boxing Day, là, quelque chose comme ça. Mais si vous allez sur des sites comme CanadaRam.com ou whatever, mm-hmm. vous allez trouver ça pour quand même pas très cher là, en ce moment. Puis le prix des disques durs, si je me trompe pas, devrait commencer à redescendre là, tranquillement, pas vite. Là, j'ai vu au Boxing Day des trucs à 129 là, pour des 2 terabytes. Ça descend tranquillement, mais quand même, là. Si vous voulez vous acheter des appareils Apple, il y a Future Shop de ce temps-ci. Ils font des rabais sur différents appareils, différents ordinateurs Apple. Mais je me trompe-tu en disant que c'est des anciens modèles? C'est une balance de stock? Celui qui était à 1000$, on me parlait cette semaine, Alexis, avec qui qu'on parlait? Maxime Tremblay sur Twitter. Ouais. C'est le modèle de l'année passée. C'est pas le Thunderbolt, c'est ça? Non. C'est pas le Thunderbolt, celui qui était à 1000$, là. Fait que... Je vais aller vous dire les seuls spéciales qu'ils mettent dans Turshop pour les nouveaux modèles, je pense que c'est 20$ maximum. J'ai 50. Fait le tour. 50 peut-être à différentes places. L'iPad, je pense qu'il était 20$ de moins ou quelque chose comme ça. Alors, ouais. 100$ sur un ordinateur iMac 21.5 pouces. Le Core i5 d'Intel. Le MC909C. Il faudrait voir c'est quoi celui-là. Donc, au lieu de 1200, il est 1100. Hey, écoutez, je vais avoir une opinion sur. Je ne sais pas si vous l'avez faite, vous l'avez installé, mais des disques durs qui sont. Que tu remplaces dans le fond ton disque dur par deux en RAID 0, mais avec du SSD dedans. Tu sais, tu as comme deux plateaux plus petits que tu mets à la place de ton. Ton lecteur CD puis ton lecteur DVD, me semble, pour remplacer. Est-ce que ça fonctionne assez bien? Je sais pas si l'avez-vous essayé ou... Au niveau du RAID sur des disques SSD, je pense qu'il n'y a pas trop de problématiques. La problématique qu'il peut y avoir, c'est que c'est un RAID qui est géré par software et non pas hardware comme un vrai truc RAID. Normalement, c'est branché dans un ordinateur, du moins, là, dans un Mac Pro, mettons, c'est branché sur une carte RAID. Et cette carte-là, c'est elle qui gère le RAID à proprement parler. Puis c'est plus fiable parce que c'est comme un mini ordinateur qui gère ça, qui bon, il manage les erreurs. Quand c'est du RAID. Ouais, quand c'est du RAID. Mais moi, je l'ai fait avec deux disques non SSD dans un MacBook Pro. Puis j'ai jamais vraiment eu de problème avec. J'ai eu ça pour une période d'à peu près un an, là. Deux disques dans ma machine montés en RAID software. Puis pour un RAID en SSD, j'imagine que ça doit tout arracher. Là. Mais sur un des derniers MacBook Pro, t'as le SATA 6, si je me trompe pas, SATA 6 GB. Fait que c'est là que tu pourrais aller chercher toute la puissance. Mais sur des plus vieux modèles, SATA 3, par exemple, j'imagine que ton RAID SSD va le saturer. Ça ne pourra pas aller au maximum de sa puissance. Pidjan qui dit dans le chatroom que Frenetank a dit que les SSD n'étaient pas faits vraiment pour le RAID parce qu'il lâche très rapidement. Il faudrait que je vérifie de ce côté-là. Demander si c'est vraiment juste les SSD ou si c'est une marque spécifique. Là. Mais ce serait comme un méchant bel investissement. Plus avec de la mémoire, genre 8 gigs de mémoire, là, ça doit être déchiré. Mais déjà, un SSD, ça fait vraiment une différence dans une machine. Okay. Ouais. Puis l'avantage d'avoir du RAID dans ces machines, c'est que tu n'auras pas de bug. C'est vrai. La catchez-vous? Oui, oui. Tu devrais l'essayer. Okay, avoir du RAID. Avoir du RAID. OK. Pas de bug. Alors? Ouais, ça était okay. Pour toi, celle-là. Ouais. Comment? Oui, il était pour moi. Monsieur Ducharme a raison au niveau, du vieillissement en fait prématuré. Parce que bon, c'est pas vraiment adapté pour ça. Je me demande si avec le trim activé, ça réglerait pas une partie du problème. Ça aussi, il me semble qu'il en avait parlé là, mais je me souviens pas très bien. Moi, ce que j'ai déjà vu, c'est pour une publicité pour des disques SSD. Samsung avait mandaté une compagnie de faire une espèce de vidéo virale ou faites une vidéo qu'on va mettre sur Internet pour montrer. Ils ont mis des disques durs? Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait un raid avec 18 SSD ou 28 SSD. Puis le gars montrait comment c'était fiable parce que toutes les SSD étaient attachées à des couettes SATA. Puis ils shakaient comme ça. Puis bon, il s'était arrangé pour que ça ne détache pas, mais juste faire ça avec un disque dur, ça ne marcherait pas. Là, tout exploserait. Fait que là, il voulait te montrer que c'était super stable. Puis, ils ont fait un autre test aussi. Le gars a sélectionné toutes les applications dans son dossier d'application, puis je pense qu'il était sur Windows. Puis, il a dit, OK, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Qu'est-ce qui va arriver en premier? Que toutes mes applications s'ouvrent ou que ce disque dur-là, SSD, que je pitche par la fenêtre, arrive en bas en premier? Puis, il était au troisième étage, il a pitché le disque, il a fait « open ». Puis tout était ouvert avant que l'autre disque dur arrive. Ouais. C'est un RAID 18. Là. Le gars avait patenté quelque chose, mais le but n'était pas que ça dure super longtemps. C'était vraiment pour essayer. Fait qu'il avait demandé. Puis c'était il y a comme 2-3 ans comme faux de ça. Fait que les disques durs, c'était à un prix ridicule. Là, eux autres, il y en avait 18. Là, c'était une machine à 30 000 $ J'ai la réponse. Vas-y. J'ai la réponse pour le MacBook Pro qui est en spécial chez Future Shop. Oui. C'est le modèle de février 2011. Qui était c'est à 1000. Modèle. À 1000. Non, c'est mais il y en a un autre. Là. Non, il n'y a pas le Thunderbolt. Non, c'est ça. C'est pas lui. Fait que. Il y a juste le Sandy Bridge, là, mais il n'y a pas le Thunderbolt dessus. Fait que. As-tu regardé les iMac? Est-ce que tu as le Core i5, ça c'est des Core i5. On parlait des MacBooks parce que c'est ceux-là qui annoncent à la télé en ce moment là, le gros solde qui commence au Boxing Day. C'est tous les produits Apple. Ah ouais, OK. Il y a les iMac là, il y en a un à 100 $ de rabais, l'autre à 60, l'autre à 70. C'est des 21.5, des 27 pouces. Des Icar 5. OK. Icar 5, je veux dire. Puis, à part ça, est-ce qu'il y en a d'autres en spécial? Sûrement les portables aussi. Hey, on ne l'a pas demandé au podcast Mac Québec. As-tu vu un bundle traîner récemment? Intéressant? Ouf. Pour Noël, non? Hier, il y avait un... Comment que ça s'appelle, ce produit-là? C'était un Clean Mac Pro, quelque chose du genre. OK. Pas Clean My Mac, c'était un autre. C'est Mac Cleaning Pro, qui était gratuit sur Giveaway of the Day. Ah! Mais c'était hier. Bon. Tout je l'ai téléchargé, remarque. Tu nous le demandais pas. Ben, il ne demandait pas de serial key. Exactement, de numéro de série. Hmm. C'est bon. Je l'ai téléchargé. Si on retourne à nos affaires, il y a Stéphanie Raymond qui nous demande sur Mac Québec Entraide, que doit-on faire avant de se départir d'un appareil iOS? Elle nous explique qu'elle doit se départir de son iPhone et qu'elle aimerait s'assurer que le contenu soit bien sauvegardé dans un premier temps et que tous les contenus et réglages soient complètement effacés de son téléphone. Donc, qu'est-ce que vous suggérez? Ben, pour la sauvegarde iCloud, s'il est capable de sauvegarder ça. Puis, pour être sûr que, dans le fond, ça soit sur tous ses appareils plus tard. Puis, un hard reset je ne sais pas s'il y a des logiciels qui fournissent un reset, un formatage du disque. C'est ce qui est dur de l'appareil aussi. Là. Ça ne m'est pas arrivé d'en faire un là, parce que j'ai déjà fait un hard reset pour recommencer et partir à zéro. Je n'ai jamais eu de problème. Mais si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas des données confidentielles, il doit y avoir un logiciel. Là. Je viens d'entendre la question là, en premier. Je ne sais pas si vous autres, vous avez entendu parler de quelque chose. Ben, moi, j'ai rien entendu sur qu'il fasse vraiment un disque dur. Là. Ben, pas un disque dur, mais qu'il efface complètement le contenu du téléphone là, quand on fait un hard reset ou un restore en tant que tel. Là. Mais normalement, ça devrait effacer le contenu, mais je pense que il y a quand même des techniques avancées qui pourraient permettre de le récupérer. Oui, parce que moi, à un moment donné, j'avais fait le mien quand j'ai installé la 5.1 sur mon téléphone. Ouais. Et parce qu'il faut que tu fasses un restore, tu ne peux pas faire une mise à jour. En tout cas, ça ne marchait pas. Ouais. Fait que j'ai fait un restore. Mais quand j'ai reparti le téléphone, il y avait déjà mon... il était restoré, là. Il n'y avait plus rien dessus. Il y avait déjà mon email dans mon iCloud, déjà inclus dedans. C'est pas à cause de ton iTunes? Oui, c'était avec ta synchronisation. Mais quand il finit son restore, quand il redémarre, il ne transfère pas tout de suite des fichiers dans le téléphone. Ben, tu n'avais pas autorisé, mettons... l'appareil déjà dans iTunes ou quelque chose du genre? Peut-être. Tu avais encore des données qui traînaient dans ton Mac là, pour synchroniser l'appareil, j'imagine. Oui, probablement, c'est ça. Moi, ce que je lui aurais proposé, d'abord, c'est sur Mac Québec Entraide, il y a Dean Lubacki qui lui a proposé de d'abord brancher son appareil pour en faire un backup. Quand on branche un appareil iOS à iTunes, normalement, simplement en faisant la synchronisation, la première étape devrait être le backup. Mais si vous êtes un peu parano, ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du iPhone et dans le menu déroulant que vous allez avoir la fonction « Sauvegarder ». Et puis, vous faites « Sauvegarder » et puis là, il crée un vrai backup de votre iPhone. Donc, ça, c'est la première chose pour conserver les données. L'idée de Vincent était aussi très bonne. Si vous êtes à la dernière version de iOS et que vous pouvez activer iCloud, vous pouvez faire une sauvegarde dans les nuages de votre appareil. Oui, Vincent? Je me rappelle aussi quelque chose, puis je viens de trouver ce que j'avais vu il y a peut-être un an. Puis beaucoup de personnes, tu vas peut-être t'en rappeler, de faire des playlists, le plus de musique possible. Dans le fond, tu repars à zéro, tu fais un restore de ton iPhone. Ensuite, tu le branches, tu pars comme si c'était un nouveau téléphone. Tu uncheck, là, tu t'enlèves dans le fond les options pour synchroniser le calendrier, les emails, les bookmarks, les contacts, ces choses-là. Toute l'information personnelle que tu veux pas qu'il y ait là. Pour qu'il n'y ait rien, mets un nom juste iPhone ou iPhone 4, mais pas ton nom non plus là-dessus. Puis crée un gros fichier de playlist. Parce que tu peux prendre, tu peux prendre toute ta musique puis comme le doubler dans une playlist pour être sûr, mm-hmm. Prendre bien de la place. Puis ça fait plusieurs fichiers, ça. Puis faites un playlist aussi gros que votre iPhone, la capacité que votre iPhone. Vous faites un transfert là-dessus. Puis, dans le fond, vous copiez tout ça jusqu'à temps que ça soit au maximum de la capacité. Puis, mais vous le faites trois fois. Ça. Vous synchronisez avec le playlist. Dans le fond, vous l'enlevez, vous le replacez. Puis ça va comme réécrire sur le disque dur. Puis ben, ça va être... Si quelqu'un qui veut vraiment, vraiment le faire, puis veut vraiment retrouver les données, peut-être qu'il va être capable de trouver des brides de données, mais pour vraiment que ce soit sécuritaire, faites trois playlists comme ça. Enregistrez ça dans votre téléphone, enlevez-le, remettez-en un autre, faites ça trois fois, puis ça devrait mettre assez de données sur les cellules ou sur... En fait, ce que ça fait, c'est comme un disque dur d'un ordinateur. Mm-hmm. Ça va tout chercher les espaces, tout l'espace du disque dur au complet, on le remplit par n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, tu es sûr de réécrire par-dessus. Parce que quand on jette de quoi de notre disque dur à la poubelle, en fait, nos fichiers, nos données sont encore dans le disque dur. C'est juste quand il y a une écriture par-dessus qui vont finir par être effacées. Puis dans le fond... À moins qu'on leur formate avec des zéros, tout ça. On lui fait un wipe. Dans le cas de l'iPhone, effectivement, j'ai eu la même recette que toi. Je partais pour dire exactement la même recette. Ça vient de securorosis.com. C'est ça. Donc, de faire des grosses playlists pour s'assurer de tout remplir le disque du iPhone ou du iPod en question. Puis de le faire plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y a plus aucune trace de fichier traîne à quelque part. Ça commence à être un petit peu du niveau de la paranoïa. Pas de la paranoïa, ouais. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas si important que ça parce que vos informations personnelles sont pas si capital que ça. Mais par exemple, pour des gens qui sont des financiers dans des banques, qui ont accès à des informations privilégiées, qui prennent des notes dans leur téléphone, pour des avocats, pour des gens qui ont du matériel, ouais, pour des développeurs qui effectivement ont peut-être des applications. Moi en ce moment, là, si je me fais voler mon iPhone, j'ai l'application MQ Mobile. T'sais. Là, j'ai l'impression de venir. Je me suis mis un gros target dans le front. Là. Je vais marcher à Montréal, je vais regarder partout, je vais capoter. Je suis sûr qu'il va y avoir du monde qui va essayer de me piéger pour me voler mon téléphone et avoir cette application MQ Mobile avant tout le monde. Mais vous ne l'aurez pas. Et ben c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle on voudrait écrire, réécrire et réécrire sur le disque dur pour être sûr qu'on puisse pas... récupérer ces données-là. D'ailleurs, quand vous faites une installation de macOS 10 et quand vous faites un formatage du disque dur, vous avez des options au niveau de la sécurité qui vous demandent de faire un wipe rapide. Donc ça prend 15 secondes. Vous pouvez faire un wipe 7 passes puis un wipe 32 passes, je pense. Et si vous faites un wipe 32 passes, je pense que ça prend 3 semaines, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est long, là. C'est aller se coucher, là. C'est oublier ça, là. Ça finit plus. Puis, donc, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il formate le disque dur, il réécrit des données sur toute la grosseur du disque dur, il le reformate, il réécrit des données. Donc, si vous l'avez fait 7 fois, c'est 7 fois. Puis, si vous l'avez fait 32 fois, c'est 32 fois. Mais j'ai lu des articles de sécurité avancée, puis peut-être que Benoît Gagnon, de l'analyse des geeks pourrait nous en dire plus, mais il me semble que par des algorithmes, par différentes théories, je ne sais pas si ça a été fait, mais différentes théories, par exemple en mathématiques quantiques, des trucs comme ça, il serait possible de revenir en arrière et d'être quand même capable de trouver les données, de récupérer les données. C'est quelque chose qui peut être très, très long, mais ça pourrait théoriquement être faisable. Puis d'un autre côté, ben en fait, il faut avoir les outils pour aller récupérer les données. Il faut que tu aies des logiciels de récupération de données super avancés pour pouvoir aller fouiller sur un appareil que tu as formaté. Même, si tu travailles à la NSA ou Central Intelligence Agency, là, c'est sûr que... Ou pour les Men in Black. Ouais, aussi. Ou le... <C'était> n'importe quoi. Mais en tout cas, si t'es backé par ça, ça se peut que tu vas la personne va retrouver ses données, mais à part ça, tu vas être quand même sécure avec ce qu'on t'a donné là, c'est sûr. Voilà. Puis quand tu achètes ton nouveau téléphone, ben tu le branches à l'appareil et puis tu demandes de le restaurer. Après le restore, en fait, il va te demander est-ce que tu veux utiliser un backup qu'il y a dans ton iTunes pour remettre les données dessus. Puis tu lui donnes le dernier backup que tu as fait. Et puis il va tout remettre dessus. Moi, je l'ai essayé avec... avec iCloud, la solution que tu as proposée, en fait, au début, moi, je suis allé chez au Apple Store. J'avais une petite scratch dans ma vitre. Puis, sous garantie, ils n'hésitent pas. Ils te l'échangent vraiment rapidement. Ils veulent pas que tu te promènes avec un téléphone LED. Je suis allé là-bas. Puis, en attendant, après le Genius, j'ai lancé une synchronisation dans le iCloud. Quand le gars m'a donné le nouveau téléphone, j'ai rentré mes credentials de iCloud. Puis ça a recommencé à télécharger. Je suis resté dans le magasin, en fait, pour utiliser la bande passante de Apple. Parce que 202 applications, c'est long. Oui, c'est ça. Tu as beaucoup d'applications. Là. Ça doit être assez long. Surtout le Navigon, ça prend... Là, ça a diminué, mais ça peut prendre, je pense, 500 mégas. Fait que ça peut prendre du temps. Là, en Wi-Fi. Mon Dieu, ils l'ont coupé fort. Ben, c'était pas un maintenant... gig, ça, avant? Oui. OK, maintenant, il est targué, mais... Map. Parce que il te permet maintenant de sélectionner les maps que tu as besoin puis de les télécharger à la volée. Fait que si tu as besoin juste des maps du Québec, ben tu as juste le package de maps du Québec. Tu n'as pas toutes les maps de l'Amérique du Nord. Puis l'autre chose aussi, si je me trompe pas, iOS 5 a apporté ce qu'on appelle les Delta Updates. C'est-à-dire que si tu fais la mise à jour de ton application à partir du téléphone, tout ce que tu vas télécharger, ce sont les changements. Les changements dans ton application et non pas re-télécharger l'application au complet. Non. Ça, c'est à propos justement de Navigon en tant que tel. Eux, ils vont t'envoyer comme un data justement, là, où ils juste la mise à jour, le package pour le modifier. Mais toutes les autres applications va falloir que tu réinstalles l'application parce que si jamais il y a des choses que tu as passées par-dessus ou. Au niveau de la sécurité des API, s'il y a quelque chose de changé puis tu le fais pas, il peut y avoir des bugs. Apple, c'est sûr qu'ils sont capables de le faire. C'est pour ça que maintenant, tu sais, quand tu synchronises juste avec ton téléphone, la nouvelle mise à jour, ça fonctionne. Je pense que c'est juste de eux parce qu'en ce moment, il n'y a pas de mise à jour comme ça là, pour les développeurs. Il y a M. Ducharme qui nous donne des outils avancés de Forensic pour les iPhones. Donc, on ira voir ça... Après le podcast. Ouais. Forensics, c'est vraiment, écoute, là, c'est ça, c'est du très poussé, là. Si tu pognes un cellulaire, là, je sais pas moi, pour des trafiquants de drogue ou terroristes, là, ils vont aller chercher un petit peu plus loin, là, dans l'appareil. Ouais. Dans les entrailles, l'encryption, etc. Mm-hmm. Quand ils veulent récupérer, là. Mais il va y avoir un policier roux qui enlève ses lunettes puis qui t'écoute de côté, là, qui va poser des questions. Mais quand vous traversiez la frontière américaine, que vous ayez un iPhone ou n'importe quel appareil électronique, il se réserve le droit de copier l'entièreté du contenu de ces appareils-là sans raison. Donc, c'est un pensez-y bien quand vous voulez traîner votre portable ou avec votre iPhone avec des données secrètes à l'intérieur ou quelque chose. Ils peuvent copier s'ils veulent. Tu veux dire s'ils t'interceptent à la douane ou S'ils t'interceptent à la douane puis ils disent on va copier ton disque dur de ton appareil, ils peuvent le faire. Wow. Ben, si tu décides de continuer à traverser, mais si tu veux plus traverser. Si tu traverses plus, si tu restes au Canada, il n'y aura pas de problème. Mais si tu t'en vas aux États-Unis... Non, attends. Tu arrives là, ils te disent « Je vais copier tes données. » Tu dis non. Ils te tirent, man, c'est sûr. Ils saisissent ton appareil. Ils te gonnent drette là. T'es mort. Tu sais, pourquoi tu veux pas qu'on... C'est sûr que tu planifies quelque chose contre nous, man. Les gants. C'est sûr. Tu caches une clé USB. Bon, c'est correct, là. Dans un condom. Oui, c'est ça. Donc, pour en revenir à nos questions, il y a Yann Pelletier qui nous demande sur Mac Québec Entraide, selon vous, le flop d'Apple cette année? Et lui, il rajoute, en fait, pour lui, c'est Ping. Il dit « J'ai été voir au début, je trouve ça inutile. Je crois pas que ça va faire grand vague. Peut-être que je me trompe, Puis il demande, selon vous, je trouvais que c'était une belle question à nous poser, là, tu sais, histoire de, bon, c'est la fin de l'année, histoire de penser à qu'est-ce qui aurait pu être un flop cette année. Pour l'information à M. Pelletier, Ping, ça date de l'année passée, comme Dean lui a répondu sur Mac Québec Entraide. Effectivement, en fait, c'est un essai plutôt maladroit de la part de Apple au niveau des médias sociaux. En fait, il y a eu Ping qui est sorti cette année-là, puis je me trompe pas, où il y avait Google Wave ou Google Buzz. C'est Buzz qui est mort. Il est mort de sa belle mort. Il s'est fait gonner solidement, là, fait que les deux étaient à peu près inutiles. Puis en fait, Buzz puis Wave, ça a été un peu repris, puis ils en ont distillé un peu dans Google Plus. Mais effectivement, Ping est un fail, mais c'est probablement un fail de plus de 2010 qu'un fail de 2011. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qui a été un fail cette année de la part de Apple? Ben, pour moi, c'est encore le téléphone qui ont l'iPhone 4S là, qui ont encore perdu. Là. Ben, tu vois, c'est ils ont perdu quoi? Ouais, c'est ouais. C'est ça la question. Verizon n'a jamais vendu autant de téléphones que ça. Il en active autant qu'Android par jour. Je veux dire, oui, on peut se sentir un peu délaissé par rapport à ce qu'on attendait du téléphone, mais est-ce que le iPhone 4S est un fail ou bien tes attentes étaient trop grosses? Ben moi, mes attentes, je pense qu'elles étaient trop grosses parce que on va dire franchement, c'est sûr que là, j'ai un iPhone 4. Je ne changerai pas pour un iPhone 4S. Je vais attendre l'iPhone 5. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'Apple ne te donne pas tant que ça envie de changer ton téléphone un an après que tu l'aies acheté. Tu comprends-tu? Après ça, ça va être difficile de les taxer puis de leur dire... les accusés d'obsolescence programmée, les accusés de plein d'affaires au niveau de la surconsommation. C'est sûr que l'appareil nous donne envie de le consommer, tout ça, mais en même temps, que ce soit des plus petits pas comme ça, il y a bien du monde qui vont rester effectivement avec leur 4, puis c'est ce que je recommande, là, les nouveaux appareils. Vas-y, Bernard. L'iPhone 4S, oui, c'est vrai ce que tu dis, Alex, mais par contre, il y a des technologies qui sont là, qui auraient dû être là, comme le LTE, le NFC, bon, un paquet de petites technologies qui auraient dû rajouter dans le 4S, à mon avis. Au moins le LTE. Oui. Le LTE, ils disent que, OK, ils ont fait la différence entre les deux, entre le LTE et les deux bandes de réseau du iPhone 4S, et ça a l'air que ça s'équivaut. Je sais pas si, ouais. Alexis, toi, tu as fait le test avec. Est-ce que ça download plus vite qu'un 4 sur Internet? Moi, j'ai l'impression que ça va moins vite, mais c'est mon impression à moi. Mais techniquement, c'est censé aller plus vite. En fait, je te dirais que je l'ai vu à un moment donné où est-ce que j'ai branché mon appareil à mon ordinateur et que j'ai fait du téléchargement. Puis je me suis rendu compte que le téléchargement était probablement plus rapide que ce que j'avais comme Internet à la maison. Donc, donc de ce côté-là, je pourrais te dire que le HDSPA, là, ouais. Donc la technologie qui dit... Parce que Apple n'a pas mis du LTE dedans, mais le LTE actuellement consomme beaucoup dans un appareil. Le LTE qu'on retrouve dans des appareils Android, ces appareils-là, c'est vraiment de la merde au niveau de la batterie. C'est vraiment pas bon. Puis, considérant que l'iPhone 4S est pas non plus là, au niveau de la batterie, on peut en parler longtemps. Là. C'est pas une batterie qui va durer excessivement longtemps. Moi, j'ai installé un Mophie Juice Air sur l'appareil pour réussir à toffer toute une journée ou du moins que le téléphone passe la nuit là, sans être complètement déchargé. Puis si j'oublie de le recharger le lendemain, c'est très, très difficile de le garder chargé toute une journée. Mais vous allez être surpris avec la 5.1, je vous le dis. Ah oui, c'est vrai, ça règle oh, une partie, ouais. Du problème? OK. Ah oh, oui. Excellent. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que c'est vraiment une problématique pour l'instant sur l'appareil, mais s'ils sont capables de régler ça, c'est quand même bien. Donc, moi, le LTE, pour ma part, c'est pas tant un problème que ça parce qu'il commence tout juste à l'implanter à Montréal. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup des appareils qui sont vendus en ce moment et qui s'appellent 4G, qui ne sont pas de la 4G ou qui sont du LTE de première génération ou en tout cas, ils ont nivelé par le bas la norme 4G parce qu'ils savaient qu'il allait avoir au niveau marketing une espèce de gap plus long que prévu. Tu sais, si tu sors ton LTE fin 2012, ben c'est pas la même affaire que début 2012. Puis à ce moment-là, comment tu vas faire pour vendre des téléphones pendant le premier, le deuxième puis le troisième quart de 2012 si t'es pas pour dire au monde que tu vas avoir de la LTE? Fait que là, ils ont fait une espèce d'hybride bizarre qui, tu sais, ils ont nivelé par le bas puis ils ont dit, ben c'est pas à partir de 25 mégabits par seconde, c'est à partir de 14. Tout ce qui va 14 en haut, on a le droit maintenant d'appeler ça 4G. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent vendre leur téléphone en disant c'est de la 4G, mais c'est pas vrai. Puis le HDSPA plus qu'il y a dans l'iPhone 4S, ben ça va à la vitesse de ces appareils 4G-là, mais ils vont pas, ils se sont pas avancés à faire, si on veut, une publicité qui est comme un peu frauduleuse. Là. À Apple, on peut les accuser de plein d'affaires, mais de niveler par le bas, ça, je pense pas. Tu sais. Mais moi, je pense que un des flops, là, écoute, moi, c'est personnellement, je trouve que Lyon n'est pas à la hauteur. Non, c'est vrai. Au début, j'étais bien content d'avoir un nouveau système d'exploitation de ça. Finalement, c'est une grosse mise à jour encore une fois. Et ça m'a occasionné beaucoup plus de bugs, en tout cas avec les logiciels que je me sers. Ce soir est un bon exemple que d'autres choses. Il y a beaucoup d'incompatibilités. Il y a des logiciels qui ne fonctionnent plus. On a abandonné tout ce qui est PowerPC. C'est sûr qu'il y a une évolution. Ça, c'est une évolution, mais il y a bien des drivers, il y a bien des appareils qui ne fonctionnaient plus. Là, on commence là, à avoir certaines imprimantes là, qui sortent. Là. Bon, il y a les développeurs d'un côté qui n'ont peut-être pas été assez vite pour faire leur mise à jour, mais dans un autre côté, je sais pas. Moi, je suis partagé beaucoup avec Lyon. Ben, comme tu dis, les développeurs, la version développeur de Lyon, on l'a eu pendant 6 mois. Fait que jamais je créerais qu'aucun développeur. Plus longtemps que ça, ça se peut pas. Ça faisait presque un an, non? Il l'a présenté l'été. Semble, c'était l'été. Ah, ça a sorti au mois de janvier, je pense, ouais. Ouais, c'est ça, ça a sorti en janvier. Fait qu'on l'a eu à peu près 6 mois, fait que les développeurs, ils auraient eu le temps de tout reprogrammer leur application pour les rendre compatibles avec Lyon. Mais c'est vrai que Lyon, pour moi, c'est pas la grosse affaire, là. Ben, moi, je serais d'accord avec, Bernard là-dessus. C'est un système d'exploitation qui... Écoute, le wow factor qu'on a habituellement avec un nouveau produit à Apple, il s'est dissipé très rapidement. Moi, cette année, ce sont plus des logiciels, plus des petits ajouts au niveau du furteur, au niveau qui m'ont amené ce wow factor-là. Le système d'exploitation, tant qu'à moi, est là pour améliorer ta productivité un peu partout. Puis ça, je ne l'ai pas vu avec Lyon. On a vu aussi avec les chiffres, il y a eu une adoption très, très rapide durant les premiers jours. Ça, c'est dû au téléchargement par le Mac App Store et tout ça. Mais, et le prix. Et le prix. Mais sinon, sur le long run, sur le long terme, les chiffres sont pas si impressionnants que ça. Puis il y a beaucoup de gens qui sont restés à 10.6. Moi, en y réfléchissant cette semaine, ce que je trouve un peu dommage de Apple, puis ce que je trouve qui est un peu le fail de Apple, mais en ce moment, en même temps, du côté corporatif de la patente, c'est normal, c'est que Apple est en train d'abandonner les hardcore, abandonner les fanboys, abandonner les professionnels. Ouais, voilà, pour aller plus vers un produit grand public ou à la limite prosumer, que ce soit avec l'abandon de Xsurf, que ce soit avec avec Lyon Serveur qui est une version euh, une version serveur, mais duquel ils ont enlevé beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, que ce soit avec Final Cut Pro 10, qui est plus, qui va devenir probablement un logiciel professionnel, mais qui, pour l'instant, est plus un logiciel prosumer. Et ça, c'est le plus gros fail de l'année, à mon avis. Oui, je pense que d'après les réactions, moi, je ne l'utilise pas personnellement. Pour moi, c'est pour personnellement un flop. Mais en général, de ce que j'ai lu partout, le Final Cut Pro X est le plus gros flop de l'année, tellement qu'ils ont remis en marché le Final Cut 4. Final Cut Pro, oui, Final Cut 7, Studio 7. Ouais, 7. Final Studio 7, 2, 7, mais Final Cut Pro le 4, mais le 7, oui. Comment ça s'appelle l'autre compagnie là, l'autre compagnie qui fait un logiciel Il y a Avid. Avid est en train de reprendre des parts de marché, puis ça faisait 4-5 ans là, qui était dans la brume, puis Adobe aussi est en train de prendre Adobe des parts de première, marché. Adobe première, CS5 là, qui est un peu mergé avec After Effects. C'est intéressant. Il y a des gens qui sont retournés là pour dire: je vais aller leur voir, l'Adobe première, voir, parce que la version Mac est revenue. Moi, je trouve que c'est un petit peu hypocrite, parce que Adobe Premiere Pro n'est pas, à proprement parler, une application professionnelle. C'est exact. Une application prosumer aussi. La seule différence, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui vont travailler avec After Effects et qui vont apprécier beaucoup plus la symbiose entre les deux produits que... Exact. Ce que Final Cut Pro 10 ne leur donne plus, puis le trouble qu'ils ont à basculer de l'un à l'autre avec... Ben, il y a des étapes en moins, parce qu'il y a des choses qui sont intégrées à l'intérieur. Donc, les deux se parlent. Là, quand tu as la suite, là, production, tu peux facilement sauver des étapes en ayant les deux produits. Là. Moi, dans le fond, la seule chose que j'aime dans Lyon, puis je sais pas si vous l'utilisez, mais moi, c'est flipper d'application, mais avec les quatre doigts. Dans le fond, l'écran de base, tu tasses vers la droite pour voir tes applications. Comme moi, j'ai Safari, je me tasse, j'ai un autre Safari, ensuite j'ai Mail, mais ça prend toute la vue au complet. Puis ça, là, j'utilise ça maintenant. Quand j'utilise mon Mac, j'utilise ça. Maintenant, ça me fatigue de voir des fenêtres ouvertes un par-dessus l'autre, que ce soit différentes fenêtres comme ça. Je trouve ça tellement mieux. C'est tellement plus simple, puis on voit tout, dans le fond. Tout est ouvert. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez. Non, je l'utilise pas. Moi, je n'utilise pas le full screen. Hein. Non, moi, je trouve ça vraiment meilleur que avoir juste des vues un par-dessus l'autre. Là. Je trouve ça pratique. Justement, tu glisses dans une autre page. Tu as vraiment toute la page au complet. Tu te promènes là, à quatre doigts. Puis c'est comme si tu prenais quatre doigts dans une application iPad, puis tu changeais. Donc, c'est vraiment facile. On nous demande sur le forum, quatre doigts à gauche ou à droite? Mais l'écran est à droite, mais dans le fond, tu prends tes quatre doigts et tu glisses vers la droite. Mais ça, c'est avec Mission Control que tu fais ça? Non, c'est... dans le fond, tu t'en vas... Quand tu ouvres, on va dire, une page de Safari, tu t'en vas au coin en haut à droite. Ah, pour l'ouvrir en plein écran. Tu vas l'ouvrir en plein écran, et tu vas pouvoir te glisser de gauche à droite tes doigts, puis... comme ça. C'est vraiment... En tout cas, moi, je vais juste l'utiliser, puis c'est vraiment pratique. Il y a quelqu'un sur le chat qui nous dit « Grand public égale plus de cash ». C'est-à-dire que... pas nécessairement, dans le sens où... tu sais, il y a moins de pros, mais ils vont mettre 4 000 $, ils vont mettre 5 000 $, ils vont mettre 10 000, tu sais, puis ils vont avoir tendance à poser moins de questions qu'un grand public. C'est-à-dire que moi, 5 personnes grand public qui viennent me voir, c'est par définition des gens qui en connaissent moins sur l'informatique. C'est des gens qui peut-être ne savent, tu sais, ont peur de faire le saut à Apple, sont encore en PC, parce que faut pas se leurrer, là. Apple était encore à 10 % de part de marché. Là. Ils augmentent à chaque année, mais ils n'ont pas réussi encore à augmenter drastiquement leur part de marché. Donc, tu sais, tu es obligé de parler à 5 personnes. C'est beaucoup plus long, leur vendre 1 000 $ de stock, que quelqu'un qui rentre chez vous qui te dit « Moi, j'ai besoin d'un Mac Pro avec telle affaire. J'ai besoin de tel truc. J'ai besoin de Adobe, j'ai besoin de Final Cut. » Puis qui sort avec ça, puis que sa facture, c'est 5 000 $. Donc, s'aliéner ces gens-là, qui sont aussi, par le fait même, un, les gens qui ont soutenu la compagnie, ou en tout cas une grosse partie des gens qui ont soutenu la compagnie pendant que ça allait pas bien. Puis deuxièmement, qui sont tes évangélistes, qui sont les gens qui vont aller parler de ta compagnie aux autres, qui vont expliquer, qui vont prendre le temps, qui sont des gens comme nous, en fait, qui vont peut-être monter un podcast, puis qui vont parler des produits Apple, puis qui vont répondre aux questions, puis qui vont créer cette communauté-là qu'on a bien voulu créer autour du produit. Je pense pas que c'est une bonne idée pour Apple. Et pour la tonne de cash, sur des milliards de dollars sur lesquels ils sont assis, mais il y a deux raisons à ça. La première, c'est que Apple se réserve le droit de pouvoir acheter instantanément la compagnie qui aurait le morceau nécessaire pour lancer la prochaine affaire. Si un jour ils se disent, ben nous autres on a besoin d'acheter Facebook. Ben, je dis n'importe quoi, là, parce qu'ils pourront pas, là, ça vaut 1 milliard, ça vaut 1 000 milliards ou je sais pas combien, là, c'est ridicule. Mais s'ils ont besoin de s'acheter X compagnie, comme ils viennent de le faire avec Anobits, ben ils peuvent le faire. La deuxième raison pourquoi il y a une pile de cash comme ça sous Apple, c'est que Apple a été à deux doigts de l'extinction, a été à deux doigts de disparaître complètement, que ça faut se calmer, c'est 80 milliards de dollars sur lesquels Apple est assis actuellement. C'est pas 1 000 milliards. Donc, ils ont failli disparaître, en fait, de la surface de la Terre. Et pour une compagnie, pour éviter d'être rachetée, d'être dissous, d'être victime d'une OPA massive, à ce moment-là, avoir de l'argent, des liquidités, c'est une bonne chose parce que ça empêche le rachat. Fait que Apple ne pourrait être acheté que par une compagnie qui serait en mesure de payer ce montant d'argent-là plus que la compagnie elle vaut. Donc, c'est pratiquement impossible. Puis, ça assure que la compagnie ne disparaîtra pas. C'est quelque chose qui a commencé, si je me trompe pas, quand Steve est revenu. Là, il restait 3,95 dans le compte. Là, puis, il t'a monté ça à 80 milliards bien solide. Là, ouais. Mais tu sais, concernant la dette, là, j'avais vu quelque chose à propos de ça, où que les États-Unis, Apple avait, au niveau de la liquidité, parce que la dette, je pense que c'est 10 000 milliards, là, c'est pas, je pense pas que c'est 1 000 milliards, mais au niveau de la liquidité, il y avait plus d'argent en banque que les États-Unis, au niveau de la réserve nationale. Fait que, écoute, quand t'as ça, là, c'est mon goal, là, c'est ça. Et voilà, M. Ducharme, vous connaissez bien votre histoire, de Apple. Il nous dit dans le chat que quand Steve est arrivé, il faisait à peu près n'importe quoi. Là, il faisait des imprimantes dans ce temps-là à Apple. Donc, il a dit, regarde, il a fait une barre horizontale, une barre verticale. En haut, il a marqué « grand public ». À côté, il a marqué « pro ». Dans l'autre sens, il a marqué « portable » puis « ordinateur de table ». Puis à partir de ce moment-là, Apple a fait 4 ordinateurs. Et voilà, c'était terminé. Ouais, tu ris de moi parce que j'ai mimé les deux lignes. Non, j'ai dit ben 4 lignes. En fait, c'était comme si Steve Jobs comme notre dieu, puis tu faisais comme au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'étais sûr que c'était comme c'était voulu là. Non, absolument pas. OK. Puis Steve Jobs, c'est pas notre dieu, c'est un mortel là, manifestement bon, comme ben, tous. Non, c'est pas Dieu, il est mort. Il a changé de plateforme. Il a changé, ouais, c'est ça. Mais moi, je suis content, le paradis va juste être mieux. Donc, on continue, en fait, là, on va finir ça, ces questions-là, parce qu'il commence à être tard. Oui, il est minuit. Puis, il n'y a personne qui nous a posé de questions, je suis vraiment déçu de notre crowd. Mm-hmm. Quelqu'un nous demande sur Mac Québec Entraide, est-ce que quelqu'un connaît le logiciel AppDelete? C'est un... Ah non, j'ai passé une question. Oui. Yann Pelletier qui nous a aussi demandé, est-ce qu'on connaît un bon logiciel pour convertir des vidéos et que ce logiciel-là soit gratuit? Handbrake. Voilà. Mm. Donc, ouais. la conversion de vidéo, c'est quelque chose qui, même sur les machines aujourd'hui, est quand même assez, assez longue, assez demandante aux machines. Puis, il n'y a pas de façon vraiment friendly de faire ça. Donc, si vous voulez transformer vos vidéos, il faut d'abord savoir vers quelle plateforme vous voulez les envoyer, que ce soit un iPad, un iPhone 4S, un iPhone Retina ou pas Retina, une PSP, tout ça. Et puis, Handbrake est un excellent logiciel qui va gérer à peu près tous ces formats-là, qui va vous permettre quand même de faire des configurations assez pointues en restant quand même assez accessible. C'est un logiciel qui est open source, qui est gratuit. C'est open source? Je pense pas que c'est open source. C'est gratuit. Il est gratuit, mais pas open source. Un qui est open source, c'est FFmpegX aussi, qui est un autre logiciel pour convertir en n'importe quoi comme format. Ça, c'est beaucoup plus difficile à prendre en main. Là. C'est pas aussi. Ouais, c'est moins évident. Oui, voilà. Il y a MPEG Stream Clip aussi qui fait quelque chose que je ne me souviens pas. Convertisseur. Ça, c'est un convertisseur aussi. Pour ceux qui veulent l'utiliser sur, on va dire, un AVI, là, un point AVI, mais ils peuvent pas le lire sur QuickTime, mais ils veulent pas comme le transformer pour pouvoir le lire sur QuickTime, prenez VLC qui fonctionne très bien. Moi, je l'utilise aussi pour les fichiers AVI, je veux dire, puis il y a plein d'autres fichiers. Là, ouais, c'est ça, mais c'est un lecteur, tu ne veux pas convertir la vidéo, tu veux juste le lire parce que tu ne peux pas le lire normalement sur le Mac. Prends ça, ça fonctionne très bien. Parce que des fois, la question pourrait provenir de quelqu'un qui est sur PC puis que, bon, lui, il fonctionnait avec des codecs. Là, on se souvient, là, il y a quelques années, quand on voulait lire des vidéos, il fallait aller chercher le nouveau package de codecs à chaque semaine. C'était ridicule, là, il en sortait 25. Donc, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais depuis, il y a un logiciel qui, lui, oui, est open source, qui s'appelle VLC. On peut trouver facilement sur Internet et qui va lire tous les formats de fichiers. Donc, si ça peut vous éviter d'avoir à transformer votre vidéo, ben tant mieux. Sinon, ben il y aura toujours Handbrake. Oui, mais VLC, il ne fait pas juste lire, il transcode aussi. Oui. Il y a une fonction de transcodage qu'on peut faire. Là. Vérifiez si ça peut faire votre affaire aussi. Mais Handbrake, c'est vraiment... c'est vraiment pour transformer des fichiers pour son iPhone, iPod, iPad. Handbrake, là, c'est vraiment le numéro un là, pour ça. Là. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Okay. Je pense même qu'il existe pour Windows. Handbrake pour Windows. Ah, ouais. Je vais regarder ça. Checker ça pendant que je pose la prochaine, question. Sur Windows, Ubuntu, Fedora. Ouais. Wow. Puis, Ouais, c'est ça, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour, par contre. Oui. La date, là. Janvier 2011. Là. Ça fait un an. Ça fait un an. OS X, Linux et Windows. Mais il fait encore la job. Il est fourni en 64 bits, là, quand même. Ouais. Là. Ben, il y en avait un cette semaine gratuit qui venait, je me souviens plus trop où. Là. Ça s'appelle Mac X Video Converter Pro. Ça venait, vous le téléchargez, puis ça vous donnait un numéro de série. Puis c'était la version gratuite. Là. Fait que, il est full loadé. Là. Fait que, dernière version toute. Là. Excellent. Il y a quelqu'un qui nous a demandé sur Mac Québec Entraide si on connaissait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le logiciel AppDelete. AppDelete, en fait, c'est un logiciel de désinstallation. Il existe aussi, entre autres, CleanApp, AppZapper. Et il y a un logiciel qui s'appelle, moi, que j'aime beaucoup, puis que j'exploite pas assez. Je l'ai sur mon appareil. Ça s'appelle Hazel, H-A-Z-E-L. Qui a une fonction, entre autres, de désinstallateur. Puis à la fin de la réponse, là, je dirais, il fait quelque chose d'autre de très, très intéressant aussi. En fait, sa première tâche. Là. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous connaissez ces logiciels-là de désinstallation? Oui, mais il n'y a pas Clean My Mac aussi qui a une fonction à l'intérieur du logiciel. Ouais. Tu peux faire comme un drag and drop de ton application. Ouais. Ben, moi, oui, c'est le fun, mais il faut faire attention. Surtout dans le monde PC, on voit ça. Des fois, on désinstalle un logiciel, puis lui, il y avait des fichiers DLL communs avec d'autres logiciels, puis il les a zappés. Le développeur, s'il a mal fait sa job, il a tout délité les DLL qui, dans le fond, étaient communs à d'autres. Là. Je ne sais pas si c'est la même chose au niveau Mac, qu'il y aurait peut-être des fichiers système qui enlèveraient, puis qui pensent qu'il est le seul à avoir accès, là. C'est vrai que sur Windows, que tu as raison, Bernard, des fois, là, ça désinstallait des DLL, puis tu voulais sacrer là, quand tu voulais réinstaller un logiciel. Là, c'était écœurant. Là. Tu faisais fonctionner un autre logiciel, puis ça te disait il te manque un tel DLL manquant. Ouais, ouais. Là, tu disais comment ça se fait? Ou des PList sur Mac Québec. Pas sur Mac Québec, sur Mac. Sur Mac, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, des fois. Ouais. Ouais. Mais les PList, habituellement, ce sont des fichiers préférences qui peuvent tous être effacés. Puis ils appartiennent à chacun de leurs logiciels. Habituellement, en fait, ces logiciels-là fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu prends la façon historique là, de désinstaller un logiciel sur Mac, c'est vraiment de prendre l'icône qui est dans ton dossier application puis le sacrer au vidange. Et il n'y aura pas de problème à faire ça comme ça, sauf pour certains logiciels très gros de compagnies très imbéciles qui, depuis des années, s'obstinent à pas suivre les guidelines d'Apple. Xcode. Et donc, si on utilise ces logiciels-là de désinstallation pour des petits logiciels qui suivent les guidelines d'Apple en matière de programmation, il n'y a pas de problème parce que ça va aller chercher quelques dossiers. Puis là, ben, il vous donne une liste avant de désinstaller. Vous regardez là-dedans. Si, mettons, il vous désinstalle quatre items. Le premier, c'est l'application. Le deuxième, c'est le plist. Le troisième, c'est un dossier. Puis le quatrième aussi. Mais le quatrième dossier, il s'appelle quelque chose de pas rapport avec ce logiciel-là, puis ça a rapport avec un autre logiciel, mais on le décoche, puis on l'efface, puis il n'y a pas de problème. Mais pour des gros logiciels, moi, ce que je vous suggérerais de faire, ce serait d'utiliser les désinstallateurs qui sont fournis avec ces logiciels-là. Donc, il y a un désinstallateur pour Office, il y a un désinstallateur pour les produits Adobe. Surtout Adobe, là. Pour les... Écoute, il y a des affaires compliquées là-dedans. C'est l'enfer. Je me suis retrouvé à appeler le service à la clientèle d'Adobe à un moment donné. Ils m'ont fait télécharger un désinstallateur. Le désinstallateur t'a dit, j'ai trois options. Si tu veux désinstaller CS3, CS4 ou CS5, appuie sur 1, 2, 3. Le gars au téléphone, il me dit, appuie sur 7. Là, j'étais comme, pardon? Il dit, appuie sur 7. Le 7. Puis ça apparaît, puis c'était comme désinstaller, je sais pas quoi, avec telle option, puis t'es là, vous êtes bien cave de cacher ces options-là, tu sais. Ouais, ouais. Comme pourquoi faut vous appeler pour vous le demander, puis en tout cas, c'est un peu ridicule. Donc, oui, ça peut donner une illusion de bien faire le ménage dans son ordinateur, puis c'est vrai, mais en fait, souvent, ce que ça va attraper, dans le désinstallateur, ça va être le fichier plist auquel le logiciel est rattaché. Puis ça pèse quelques cas. Et en fait, si le plist, vous le jetez au vidange, quand vous allez réinstaller l'application, ben elle va être vanille. Il n'y aura pas de settings par défaut. Alors que si vous conservez le plist et que vous réinstallez l'application plus tard, ben là, ce qui risque de se passer, c'est que tous les settings, toute la configuration que vous avez fait de ce logiciel-là, ben l'ordinateur va s'en souvenir. Donc, à ce moment-là, si c'est un logiciel que vous avez désinstallé à ce moment-là parce qu'il n'est plus utile, mais que vous allez le réinstaller plus tard puis que vous aviez votre façon de travailler, ben ça peut être le fun de garder ces fichiers de config-là. Mm. Ben moi, c'est CleanMyMac que j'utilise. Là. OK. Ça, c'est celui... ça ouvre juste pour désinstaller. Ça ouvre juste une petite fenêtre puis tu as juste besoin de glisser l'application dedans? Ou il fait par Growl. C'est un message de Growl qui t'apparaît à chaque fois que tu mets une application dans la poubelle. Il dit tu veux-tu le désinstaller avec CleanMyMac? Tu pèses dessus. Puis, merci, bonsoir, c'est fini. Ouais, ça, c'est pratique. Fait que c'est super simple. Fait que, excellent. Mais c'est rare que je désinstalle les applications, on s'entend. Wow, ben. J'ai pas vu CleanMyMac qui avait un spécial justement ce temps-ci, 50% de rabais. Vérifier ça. Que j'ai vu quelque chose du genre. Ah, c'est très gentil. Sur le chat, pendant que vous êtes en train de faire votre recherche, il y a P. Ducharme qui nous donne un site web qui est build.nbreak.fr. Et en fait, comme c'est un logiciel open source, il y a des gens qui se sont accaparés le code source et qui l'améliorent. Puis ça a l'air qu'il y a un build, un build de disponible tous les jours. Fait que ça veut dire qu'en faisant une mise à jour, on a probablement... en faisant une mise à jour avec une version plus récente, on gagnerait probablement parce qu'on est tous probablement pognés avec la même version d'il y a un an. Là, donc, ça peut être... janvier. Ouais. Mais merci. Moi, je lui poserais peut-être... Il avait dit un petit peu plus tôt aussi, permet d'éditer les MPEG enregistrés à partir d'un récepteur hélico avec quoi qu'il va chercher son contenu de son récepteur hélico. Est-ce que c'est avec un ITV? FireWire. FireWire, OK. Donc, FireWire, vous avez un ancien... je crois que c'est un ancien récepteur hélico qui avait un port FireWire à l'arrière. Les plus récents avaient un port SATA à la place, à un moment donné. Oui. Mais je pense que pour aller chercher le contenu là, dans le truc hélico, il fallait installer un logiciel. Puis, à un moment donné, il a arrêté de fonctionner, si je ne me trompe pas, ce logiciel-là, non? Il y avait une petite passe qu'il fallait faire pour... il y avait un logiciel même qui existait qui pouvait faire en sorte qu'on pouvait aller chercher le contenu à l'intérieur d'un scientifique Atlanta avec un branchement FireWire entre ton Mac et ton scientifique Atlanta 8300. Mais moi, j'ai utilisé ça pendant un certain temps. D'abord, ça donnait une image qui est complètement dégueulasse, si je ne me trompe pas, qui n'est pas très belle. Monsieur Ducharme saura nous le dire. Puis dans un deuxième temps, en tout cas, ça a arrêté de fonctionner avec 10 points. Non, c'est Full HD. Ça a arrêté de fonctionner avec 10.7 pendant un bout, là. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'était assez plantogène. C'était pas fiable. Mais j'aimerais ça en savoir un petit peu plus à la fin du show. Donc, M. Ducharme, si vous écroulez pas de sommeil, si vous pouvez rester là, j'aurais quelques questions à vous poser par rapport à ça. Mais en attendant, la dernière question qu'on a eue cette semaine, toujours sur Mac Québec Entraide, par Mme Jocelyne Germain, qui nous a demandé est-ce que c'est possible d'utiliser les cartes cadeaux iTunes pour faire des achats au Apple Store? Et la question, moi, j'y avais répondu rapidement sur Twitter en lui disant oui, il n'y a pas de problème, mais ce que j'avais compris, c'était le App Store. Et on avait déjà répondu à cette question-là il y a deux semaines. Il y a deux semaines, la semaine passée, on était en vacances. Mm-hmm. Donc, il y a deux semaines, on avait répondu à la question comme quoi oui, c'était possible d'utiliser les cartes iTunes, les cartes iBook ou les cartes Mac App Store pour acheter des iBooks, pour acheter des applications ou pour acheter des applications à iPhone. Mais pour le Apple Store, c'est malheureusement pas possible. Donc, mais on peut faire le contraire. On peut acheter des cartes cadeaux du Apple Store pour s'acheter des cartes cadeaux à App Store, puis s'acheter des apps avec ça. Ça s'achète des cartes de Apple Store? Oui, bien, quand tu vas au Apple Store, oui. Mm-hmm. Oui. Capable, d'ailleurs, c'était le cadeau que j'étais supposé recevoir à Noël, mais ma blonde est allée au Apple Store le 22 et ils en avaient plus. Oh boy. Il n'y avait plus de cartes cadeaux. Le gars, ben, emballe-y d'argent. C'est ça que j'ai reçu. Fait que, moi, j'ai reçu une carte cadeau d'un montant X de Apple en argent canadien. Ouais. C'était ça, mon cadeau. Ouais. Et une poêle à frire. Ah! Ça vient-tu ensemble? Ou Ben, c'était comme un gag parce que ma blonde me connaît bien. Fait qu'elle m'a donné la poêle à frire qui était dans un sac. Fait que je l'ai déballé, j'ai fait « Ah, c'est le fun, une poêle à frire. » Puis là, elle me donne une carte, puis elle dit « C'est important que tu lises la carte après la poêle à frire, après l'avoir déballé. » Fait que je fais comme « Ah, une poêle à frire, que c'est donc le fun. » Puis là, ben, je prends la carte, puis ça dit « T'as pas vu ton bonbon? » Ou en tout cas, quelque chose comme ça. Puis là, j'étais là « Ma blonde m'offre du sexe en cadeau? » C'est bien bizarre. OK. Puis là, elle fait « Non, non, t'es bien niaiseux, arrête de penser ça. » Puis là, elle dit « Regarde mieux. » Puis là, je fouille dans le sac, non, non, non. Puis dans l'emballage de la poêle à frire, c'était marqué, il y avait un espèce de bonbon, d'où les sous. Puis là, j'étais comme « Bon, ben c'est des sous, puis une poêle à frire. » Puis ma blonde m'a dit l'affaire qui m'a le plus fait plaisir. La poêle à frire, elle a C'est pas du... comment ça s'appelle? L'espèce de matière qu'ils mettent dans tous les poils, là, ce temps-ci. Là. Le teflon? Oui, c'est pas du teflon, c'est de la céramique. Et elle me dit comme ça, « Ah, celle-là, c'est de la céramique. Fait que tu vas pouvoir utiliser des ustensiles en métal. » Le nombre de fois, je vous dis pas que je me fais dire, « N'utilise pas des ustensiles en métal, on va manger du teflon, c'est poison. » Ça me fait capoter. Fait que j'étais comme super content d'avoir une poêle que je pouvais utiliser des ustensiles en métal dedans. Je fais rien que ça, tu sais. Je la sors le matin, puis j'essaie de la graffiner, puis ça marche pas. Bref, pour répondre à Mme Jocelyne Germain, non, c'est pas possible, effectivement, d'acheter des produits au Apple Store avec des cartes cadeaux iTunes. Mais vous pouvez sûrement vendre la carte cadeau iTunes sur eBay. Puis utiliser l'argent pour acheter de quoi? Utiliser de quoi l'argent pour le Apple Store? On vient de faire de Bernard. Oui, mauvaise manipulation. Ah bon, d'accord. Juste à me remettre host. Là. Oui. En fait, il reste combien de temps? Il a probablement utilisé le combien de temps à quoi au podcast? Oui. Ah, c'est pas mal fini, là. Oui, c'est ça. J'en reviens. Voilà, on va finir à 4. Là. Voilà. On a commencé à 4. Je suis là. Ou à 3,5. 3,5. Ouais, je suis revenu. Oui, voilà. Donc, ça fait le tour de nos questions. On avait des gens avec nous ce soir qui étaient très connaissants à Apple puis qui ont partagé ce moment-là puis qui ont contribué en donnant un paquet d'informations. C'était très intéressant sur le chat. On n'a malheureusement pas eu de questions dans le chat, mais on en avait assez pour faire un show. On avait une heure et demie. Dont un bout à éditer parce que t'as pas catché ma joke de Tintin. ouais, dans le fond, Rodolphe puis Duchamp, vous allez être les deux seuls à avoir entendu cette joke. Oh shit, il va la couper? Ouais, non, je la couperai pas, Ah, ok. Donc, Monsieur Duchamp est connaissant, Rodolphe, il humblement dit qu'il l'est un peu moins. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs, et les gens qui nous écoutaient en différé. On va être de retour la semaine prochaine pour un autre Les amateurs de Mac, bonsoir. Et je remercie mes trois collaborateurs qui sont restés jusqu'à demain matin, là, parce qu'il est minuit 14, donc... On travaille pas demain. Ben, parle pour toi, là. Je pense que JF a comme la méga journée de l'année demain. C'est demain, moi. C'est quoi? C'est l'inventaire. C'est l'inventaire. Ah, que c'est le fun! Puis, ouais, c'est le fun. Pour un gars d'informatique, là, à qui on fournit des vieux ordinateurs de l'an tranquille avec des fusils à rayons pour scanner les items, avec des fils réseau qui fonctionnent pas, là, c'est la pire affaire ever. Le gars à la coop où est-ce que je travaillais avant, là, il se préparait une semaine d'avance, puis quand arrivait la journée, il y avait quand même des problèmes, de la grosse merde, c'était jamais prêt. C'est monté tout croche. J'ai déjà travaillé, moi, dans la section papeterie de chez l'abbé à un moment donné quand j'étais étudiant. Il fallait faire l'inventaire, puis c'était tous les crayons un par un. Ah, t'as bon. Un par un, les petits crayons. Ouais. Les effaces, les petits crayons. Scanne-les un par un, t'as pas le droit de les compter. Là, tu vas te tromper si t'es compte. Scanne-les un par un. Ouais, c'est ça. Mais là, il n'y avait pas de code à barre à l'époque. Ah, fait que tu pouvais, t'es obligé fait de qu'on pouvait même pas, là, il fallait les mettre sur des feuilles. Là. Tout à mi-temps. C'était vraiment... Ça donne une idée de son âge. J'étais obligé aussi de les calculs. Les calculs, c'était avec des X, des I puis des V là, dans ce temps-là. C'est ça. Une tablette, là, c'était la tablette. Là je poinçonnais là, avec un marteau là, piqueur comme ça. C'était ça, la tablette à l'époque. C'était un oiseau, là, comme dans les pierres à feu. Là. Toc, toc, toc, toc. Exact. Exactement. Voilà. Bon, ben c'est sur ces brillantes niaiseries qu'on va vous laisser cette semaine. C'est le fun de faire les niaiseries à la fin du show. Il y a comme moins de monde qui se rend là. Quand on leur dit salut, ils se déconnectent. Où est-ce qu'on peut, justement, vous retrouver, messieurs, si on s'ennuie de vous pendant la semaine? Ben comme le dit en dessous de la fenêtre, à Cybernard sur Twitter, également sur Google+. JF? Oui, sur Twitter aussi, à JFRoy1979 et sur Google+, aussi pour moi. Pour le meilleur pour la fin. OK. DEVV Miller sur Twitter ou mon site web vmiller.ca. Donc, si vous voulez développer une application, je suis disponible. dont on va changer les DNS ce soir pour le manque d'humilité. Donc, vous allez vous retrouver sur un autre site si vous essayez d'aller là. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Alex Cornelier sur Twitter. Et de plus, si vous avez besoin, en fait, si vous avez aimé les explications que je donne et si pour une fois, vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne des explications, qui rentre dans votre tête et qui reste là et que vous voulez l'avoir à la maison en chair et en os, vous pouvez faire appel au service de Mac Québec sur le site macquebec.com dans la section « Services » qui se trouve en haut à droite. Et vous écrivez pour avoir soit une formation, une consultation, soit un technicien à la maison. Et puis, c'est moi qui vais vous répondre. Donc, au plaisir de vous revoir. Et puis, messieurs, à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir. We're sorry. The number you have dialed is not in service at this time.